Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Simone Veil, rescapée des camps, politicienne, féministe et amoureuse. Peut-être qu'au fond, pendant très longtemps, il y a eu moins de créatrices femmes dans le monde artistique, dans le monde intellectuel. Notre création, c'était les enfants. Et que maintenant, lorsque nous sommes dans la société, lorsque nous sommes lancés dans la vie, eh bien, notre part de création, c'est changer la vie. Simone Veil fait partie de ces femmes qui changeront la vie, comme elle dit, en s'engageant dans l'action. Féministe et femme politique, c'est elle qui défendra le projet de loi dépénalisant l'avortement en France. Pionnière en tout, elle sera ministre à une époque où peu de femmes sont en politique. Elle deviendra la première femme à présider le Parlement européen. Et puis, elle sera aussi parmi les rares femmes immortelles à l'Académie française. Mais son premier exploit reste très certainement d'avoir réussi à survivre au camp de concentration nazie. Ça n'a tellement rien à voir avec ce que nous avons vu. Enfin, simplement le camp, je ne parle même pas des coups, de ce qu'il y avait de l'extérieur. Mais le lieu lui-même est tellement différent que nous ne le reconnaissons pas. Nous arrivons même très difficilement à resituer certaines choses. D'abord parce que nous avions l'impression que le camp était très cloisonné, parce que nous ne pouvions pas aller très loin des baraques où nous étions, que par ailleurs le ciel était toujours très marqué par les fumées du crématoire, et que l'autre jour, quand j'y suis allée la dernière fois, il y avait un ciel, il y avait eu du brouillard, puis le ciel s'est élevé et le soleil passait à travers le brouillard, et que ça avait un côté même magique, je dirais. Il n'y a pas l'odeur pestilentielle, il n'y a pas cette angoisse que nous avions en permanence. Aujourd'hui, il y a des arbres qui ont poussé, c'est propre, c'est bien entretenu. Simone Veil qui raconte au micro de Joël Lebigot en janvier 2005 sa récente visite au camp d'Auschwitz en Pologne, où elle est retournée plus de 60 ans après y avoir été déportée, pour nous raconter la vie, le destin exceptionnel de cette femme, Simone Veil, la documentariste, journaliste et auteure Sarah Briand. Sarah Briand, vous avez réalisé le film Simone Veil, l'instinct de vie. Vous avez écrit Simone, éternelle rebelle, qui est publié chez Fayard. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Comment et pourquoi cet intérêt? Qu'est-ce qui vous a conduit à Simone Veil quand même? Vous avez même fait un film pour la télévision, deux films, une biographie. Pourquoi cet intérêt pour elle? Alors c'est vrai que c'est une femme qui, comme beaucoup de Françaises, moi à titre personnel, m'a toujours fascinée. C'est quelqu'un pour laquelle j'avais beaucoup d'admiration. J'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin que ce qu'elle voulait bien donner à voir, aller un peu plus loin que l'apparence de ce chignon, de ce tailleur parfait, de ce tailleur Chanel, et de découvrir une femme qui était un petit peu différente. Parce que Simone Veil, c'est quelqu'un qui s'est forgé au fil du temps une carapace due à son histoire, cette histoire qui concerne la déportation. Et j'avais envie de découvrir la mère, la grand-mère, la femme qu'elle était vraiment. Et cela à travers le regard finalement de tous ceux qui avaient vécu des moments d'histoire ou des moments d'intimité familiale, de la raconter à travers le regard. C'est ce qui m'intéressait profondément. J'ai commencé l'émission avec cet extrait sur Auschwitz pour faire un peu un clin d'œil à votre biographie. Vous décidez dans cette biographie de commencer également à Auschwitz. Pourquoi c'est important de commencer l'histoire de Simone Veil à Auschwitz? Oui, c'est très important. Pour moi, j'ai voulu commencer le livre avec ce chapitre-là parce que c'est le moment pour moi qui est le plus important dans son histoire personnelle. C'est-à-dire qu'elle décide en 2004, quelques jours avant ce moment où elle s'exprime là publiquement, d'emmener avec elle ses enfants et ses petits-enfants, et elle va leur montrer ce qu'elle a vécu, les lieux de cette mémoire intime. Et c'est un moment qui est très fort pour tous les enfants qui m'ont raconté ce moment-là. Elle les emmène sur place, elle leur montre le lieu où sa mère est décédée aussi, où elle était en tout cas à Auschwitz avec sa mère, puisque sa mère est décédée à Bergen-Belsen. Mais en tout cas, voilà, elle essaie de leur montrer ce lieu-là et de leur raconter son histoire, parce qu'elle n'a pas pu le faire avant. En 1945, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Il était très difficile au retour des camps de parler de l'histoire de la déportation pour tous les déportés. Et on ne voulait pas voir ces gens qui avaient été de simples victimes. Exactement. Ouais. Il était très difficile pour eux de parler, de s'exprimer, et en plus, on ne voulait pas les entendre. Cette histoire dérangeait un petit peu dans une France qui, à l'époque, se reconstruisait, la France du général de Gaulle, où il fallait aller de l'avant. Même son mari lui disait, écoute, il faut essayer d'oublier, d'aller de l'avant si tu veux te reconstruire. Ouais. Comment se retrouve-t-elle, de fait, à la fin des années 40? C'est en 44 qu'elle se retrouve à Auschwitz. Dans quelles circonstances? Alors, c'est une jeune fille qui s'appelle à l'époque Simone Jacob, qui est étudiante, qui est au lycée à Nice, dans le sud de la France, qui mène une vie agréable avant-guerre, en fait. Elle retient ce que sa mère lui a toujours dit, c'est-à-dire de faire des études, de travailler pour être indépendante plus tard financièrement. Donc, elle passe son bac au moment où, finalement, la Gestapo arrive à Nice et envahit la ville. Donc, elle ne peut plus aller au lycée, évidemment, puisque le proviseur lui dit que beaucoup de ses amis juives ont été arrêtés. Elle est cachée dans une famille. Et puis, elle décide quand même donc de passer son bac. Elle se cache et le jour du bac, elle passe les épreuves sans encombre, sans être arrêtée. Mais ce n'est que le lendemain des épreuves, lorsqu'elle décide de fêter ses épreuves du bac dans Nice avec des camarades du lycée, qu'une patrouille arrive et l'arrête. Donc, elle a des faux papiers. Elle essaie de se défendre et de dire que les papiers sont vrais, qu'elle s'appelle bien Simone Jacquier. Mais évidemment, les Allemands ne la croient pas et l'emmènent à l'hôtel Excelsior, d'où elle va être déportée. D'abord à Drancy, en région parisienne, et puis directement à Auschwitz. Elle est emmenée avec sa mère et sa sœur. Oui. Les sœurs vont survivre, mais elle perd son père, sa mère, ses frères dans cette aventure, entre guillemets. Oui, c'est une épreuve terrible parce que cette épreuve de la déportation, elle la vit comme un trio finalement avec sa sœur qui est plus âgée qu'elle et sa mère. Et c'est Simone finalement qui est la plus jeune, qui a 16 ans et demi à l'époque, qui va devenir un petit peu le chef de famille. Elle va tout faire pour aider sa mère qui est très affaiblie, qui a les premiers symptômes du typhus. Elle va voler des épluchures à la cuisine lorsqu'elle peut commencer à travailler un petit peu dans les camps. Elle va même voler de la nourriture à d'autres déportés pour essayer de la sauver. Et malgré tout, ça va être terrible pour elle parce que sa mère va très vite décliner et va mourir à Bergen-Belsen, juste avant finalement la libération des camps. C'est une blessure terrible, c'est la plus grande blessure de sa vie et elle va rentrer à Paris avec sa sœur Milou, avec qui elle va partager un petit peu cette épreuve pendant plusieurs années, sa sœur qui va ensuite disparaître. Et Simone se retrouve finalement après-guerre un peu seule, puisque son père et son frère ont également été déportés. Elle ne sait toujours pas aujourd'hui où sont partis son père et son frère. Elle a su au fil du temps quel convoi ils avaient emprunté, mais elle n'a jamais retrouvé leur corps. Donc cette épreuve de la déportation, c'est quelque chose qui est vraiment dans son corps et dans sa chair, sa plus grande blessure. Elle est orpheline et c'est vrai que petit à petit, elle va vouloir, eh bien évidemment, se construire une famille. C'est la chose qui va d'abord être la plus importante pour elle. On l'écoute à nouveau, Simone Veil, sur ce qu'a représenté cette expérience des camps, Auschwitz en particulier, dans un extrait d'entrevue qu'elle accorde en 1975 à l'émission Radioscopie à l'ORTF à l'époque. Et alors comment ressent-on une injustice comme celle-là, un drame comme celui-là? Il porte sur toute une vie après. Oui, sûrement. Sûrement, mais justement, ça vous donne... Une force. Très tardivement, une force. Vous savez, on le dit maintenant parce qu'il y a 30 ans de recul. Mais ça a tout de même pesé lourdement et en déficit, je dirais, pendant au moins 10 années de ma vie. Il a fallu ensuite, avec recul, on se dit, bon, maintenant on l'a assumé et puis... Et puis on a accepté un certain nombre de choses et peut-être aussi on a un peu trop oublié. Il faut faire attention parce que de ne pas se dire ça a été une acquisition, une maturité, il y a tout de même trop de gens qui ont laissé leur vie, leur santé pour qu'on puisse dire que ça a été bénéfique. De quelle manière, Sarah Briand, ce devoir nécessaire, ce devoir de mémoire sera important et quelle forme il doit prendre pour Simone Veil? Évidemment, cette épreuve, c'est quelque chose qu'elle va garder au fond d'elle tout au long de sa vie et qui va guider pas mal de ses choix. On va le voir peut-être quand on va parler de la bataille pour l'IVG, mais en tout cas, lorsque Simone Veil s'intéresse au combat pour l'Europe, eh bien évidemment, en toile de fond, il y a cette expérience de la déportation, parce que pourquoi l'Europe est si importante pour elle, c'est parce qu'elle ne souhaite pas que tout cela se reproduise. Sa plus grande peur, finalement, c'est que la guerre revienne en Europe. Donc construire la paix pour elle, c'est éloigner la guerre. Et c'est vrai qu'en 1979, lorsqu'elle devient présidente du Parlement européen, elle a cette idée en tête et elle a besoin de rappeler sans arrêt, en fait, c'est ce qu'elle veut aussi rappeler à travers les interviews, qu'il faut faire attention, que ce n'est pas quelque chose d'acquis et que la guerre peut revenir à tout moment. Et c'est pour la raison pour laquelle aussi elle essaie de parler aux jeunes générations, de transmettre ce devoir de mémoire, il est important pour elle. Et lorsque les premiers attentats vont arriver en France en 1981, par exemple, contre la synagogue de la rue Copernic, c'est quelque chose qu'elle reçoit en plein visage et qui la bouleverse, parce que le souvenir de la guerre qui frappe l'Europe, elle ne pensait pas que cela serait possible. Bon, l'engagement politique de Simone Veil, c'est un autre chapitre qu'on ouvre avec vous, Sarah Briand. C'est un chapitre important. Elle fera partie de plusieurs gouvernements à titre de ministre. pourquoi s'engager en politique. On l'écoute nous parler d'abord de la différence de perspective entre hommes et femmes politiques, de ce qu'apportent avec elle également les femmes qui décident de s'engager en politique. Extrait d'une entrevue accordée à notre radio en 1985. Lorsque nous agissons, lorsque nous souhaitons assumer pleinement des responsabilités, je crois que c'est souvent beaucoup plus pour agir, pour avoir une influence sur notre environnement, sur la société, plus que pour exercer un pouvoir ou pour assumer des ambitions personnelles. La plupart des femmes que je vois autour de moi, même si elles ont de très hautes responsabilités, elles ne sont pas du tout intéressées par les questions de prestige, mais en revanche, elles sont beaucoup plus impatientes d'avoir une action, d'avoir une influence. Et je crois que c'est ça la valeur de la femme, c'est qu'elle veut davantage changer le monde. Alors, comment en vient-elle, Simone Veil, à s'engager dans l'action politique, Sarah Briand? Alors, cet extrait est très intéressant parce que Simone Veil parle des femmes, elle qui n'était pas féministe, justement. Elle a toujours voulu agir pour les femmes, mais il faut bien rappeler qu'elle n'a jamais été féministe. Que les femmes agissent parce qu'elles sont femmes, en fait. Alors, c'est vrai que ce qui est très important, c'est que Simone Veil, au départ, c'est pas du tout quelqu'un qui était destiné à la vie politique. Elle a épousé un homme, Antoine Veil, qu'elle a rencontré au retour des camps et qui, lui, était voué à une carrière politique. C'est un haut fonctionnaire. C'est lui qui avait une carrière toute tracé finalement. Et puis, il a eu l'intelligence de la laisser passer devant lorsqu'il a vu qu'effectivement, petit à petit, elle grimpait les marches du pouvoir, mais sans qu'elle ait cette ambition-là. Mmh. Ce qui est incroyable avec Simone Veil, c'est qu'au départ, c'est une mère de famille, personne ne la connaît. Elle arrive en politique un peu par hasard parce que Jacques Chirac lui propose un jour un poste comme ministre de la Santé dans le nouveau gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est le hasard de la vie, c'est ouais. Ça finalement un destin. C'est comme ça qu'un destin se construit. Donc elle arrive à l'Assemblée nationale en 1974. Ministre de la Santé, c'est une femme totalement inconnue et elle veut agir pour les femmes. Alors elle est en charge de ce projet de loi, effectivement, pour l'IVG, mais c'est quelque chose, comme on le disait, qu'elle n'a pas choisi. Elle a envie de changer la vie des femmes profondément. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel elle tient. Mais deviendra-t-elle féministe? Vous dites qu'elle ne l'est pas d'emblée, elle ne l'est pas au départ, mais ce projet de loi pour dépénaliser les avortements, les interruptions de volontaires de grossesse, ce sera une action importante pour les femmes. Il y en aura d'autres. Le devient est-elle, au fond, féministe au fil du temps? Je ne pense pas. Non. Elle veut agir vraiment pour la vie des femmes, mais elle place d'ailleurs le débat sur un point de vue de santé publique et non pas sur un point de vue moral aussi. Donc, quand elle parle dans cette assemblée qui est essentiellement composée d'hommes, vous l'avez bien rappelé, il y a très peu de femmes dans l'hémicycle à ce moment-là. Elle a des remarques extrêmement misogynes. C'est vrai que c'est difficile pour elle. Donc, elle en fait un combat, c'est vrai qu'on peut dire un petit peu féministe, dans le sens où elle axe finalement tout son débat aussi sur le bien-être des femmes et sur le changement que ça va représenter pour elle, sur la souffrance qu'ont les femmes et dont les hommes ne se rendent absolument pas compte à l'époque. Ouais. Voilà, elle est très très sensible à la réalité que vivent les femmes et pour en témoigner, un extrait justement, ce sera très dur, on y reviendra dans un instant, ce débat autour de ce projet de loi pour la dépénalisation de l'IVG. Extrait de ce débat, Simone Veil, donc, à l'Assemblée nationale française en 1974. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Actuellement, celle qui se trouve dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Force de conviction, elle sait ce qu'elle fait, Simone Veil, dans ce débat qui sera très, très dur. Qu'est-ce que ça représente pour elle, Sarah Briand, ce projet de loi pour la décriminalisation de l'avortement? Mais l'extrait est très bien choisi parce que c'est vrai que ce discours à l'Assemblée nationale, ce discours d'ouverture de 3 jours qui vont être extrêmement violents, je vais en parler, c'est un discours qui va changer évidemment la vie de nombreuses femmes et sa vie à elle. La vie de nombreuses femmes tout d'abord parce que c'est vrai qu'il faut rappeler quand même à l'époque que donc, l'avortement est interdit en France, des femmes sont condamnées pour ça, elles risquent des peines de prison, certains partent à l'étranger, d'autres se font avorter et prennent le risque de se faire avorter dans des arrière-cuisines avec des aiguilles à tricoter et il y a des drames incroyables. Le rappel, il y a des milliers de femmes qui meurent chaque année en France. Donc effectivement, avec ce projet de loi qui va être voté, la vie des femmes va changer. Et de nombreuses Françaises, ça c'est important de le rappeler, la remercient encore aujourd'hui pour ça. C'est-à-dire qu'elle, dans la rue, lorsque Simone Veil se promène encore aujourd'hui, elle reçoit effectivement beaucoup de courriers, mais les gens viennent lui serrer la main. Les Françaises, les femmes viennent lui serrer la main et lui disent sans arrêt merci. Et puis ça va changer sa vie à elle, parce qu'à partir de ce jour-là, évidemment, sa carrière politique va changer complètement. Mais c'est vrai que ces 3 jours vont être extrêmement violents et dans l'histoire de la politique française, c'est quelque chose de très important parce qu'au fil des jours, au fil des heures, on va se rendre compte qu'évidemment, elle a contre elle à la fois l'Église catholique, le Vatican s'est exprimé là-dessus, elle a des pressions de la part de nombreuses personnes voilà, et des députés, même de son propre camp, qui vont évidemment la critiquer ce projet de loi, mais surtout, au fil du temps, lui envoyer des critiques misogynes, je le disais tout à l'heure, mais aussi des critiques qui vont s'avérer antisémite. Parce que même si les députés... Voilà, on va la traiter de noms extrêmement violents. On va même la traiter de nazie, non ? Oui, tout à fait. Quand on parle de barbarie nazie, donc c'est des mots qui vont évidemment la bouleverser. Alors sur les images d'archives, on voit qu'elle ne scie pas, elle ne bouge pas. Mais Jacques Chirac s'inquiète, il vient même en pleine nuit à l'Assemblée nationale pour essayer de la soutenir et surtout remonter les bretelles de ses propres députés qui vont faire avorter, justement c'est le cas de le dire, ce projet de loi alors qu'il faut qu'il soit voté. Et voilà, donc c'est un combat qui va être difficile, elle ne montre rien, mais ses proches m'ont raconté qu'évidemment elle était extrêmement blessée à ce moment-là. Elle a même des courriers très violent, qui continue pour certains encore aujourd'hui. Il y a des croix gammées sur la voiture de son mari, dans le hall de son immeuble. Donc ça va quand même très loin. Et puis le projet de loi est voté. Jusqu'au dernier moment, elle a peur qu'il ne le soit pas. Et puis le projet de loi est voté. La loi va porter son nom. Elle a essayé de le refuser, mais ça n'a pas marché. La loi porte son nom et ça va évidemment changer la vie de pas mal de femmes. Ouais, femme de conviction, femme de détermination, rebelle, éternelle rebelle, dites-vous, c'est le titre de la biographie que vous consacrez à Simone Veil. Et c'est au fond de ce discours de réception que Jean de Romesson lui fait quand elle est admise, Simone Veil, à l'Académie française. Il parle d'elle comme d'une éternelle rebelle. Je le disais, donc c'est aussi le titre que vous avez choisi pour votre biographie. Pourquoi? Oui. Pourquoi éternelle rebelle? C'est vrai qu'à première vue, c'est un peu particulier. Simone Veil est plutôt associée à l'image d'une bourgeoise, donc on se dit éternelle rebelle, ça colle pas trop avec le personnage. Eh bien si, parce que dès petite, Simone Veil, c'est quelqu'un qui décide de refuser l'ordre établi. Elle s'oppose tout d'abord à son père dans sa famille, qui est assez dure avec sa mère, qui ne souhaite pas qu'elle travaille, par exemple. Donc ça, Simone Veil, Simone Jacob, à l'époque, s'en rend compte assez tôt. Et elle s'oppose à son père sur ce sujet-là. Elle s'oppose encore à lui lorsqu'il va se déclarer juif à la préfecture, lorsque évidemment, le sud de la France est occupé. Donc à chaque fois qu'elle le peut, elle s'insurge, elle a ce caractère rebelle assez fort dans la famille. Et même au camp, c'est vrai que c'est quelque chose qui va d'ailleurs lui sauver la vie. Elle s'oppose à une femme nazie, une polonaise, en fait, une gardienne du camp, qui s'adresse à elle et elle ose lui demander en fait la gardienne lui propose de changer de camp, d'aller dans un camp un peu moins difficile parce qu'elle est fascinée par sa beauté. Et Simone Jacob dit je veux bien y aller mais j'emmène avec moi ma mère et ma sœur. Et une de ses amies qui était au camp juste derrière elle dans la rangée me dit que répondre à quelqu'un comme cette gardienne c'était risquer la mort et risquer la chambre à gaz directement. Et Simone Veil a osé, Simone Jacob a osé et la gardienne contre toute attente lui répond qu'elle est d'accord. Donc à chaque fois, elle s'affirme et ça, c'est quelque chose qui peut-être justement va la sauver lors de ce débat à l'Assemblée nationale. Ouais. Et même peut-être un peu plus tard, ce caractère rebelle va finalement l'affranchir aussi de pas mal de choses et elle ne transigera surtout jamais. Et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui encore, elle est la personnalité préférée des Français. On termine cette émission déjà sur une note un peu plus personnelle, Sarah Briand. Simone Veil, la femme, l'amoureuse, je l'évoquais au tout début de l'émission, c'est quelqu'un qui aimera énormément son mari. C'est quelqu'un qui attache aussi, ça on l'a déjà dit un peu, une très très grande importance, puis on comprend bien pourquoi, à la famille. On l'écoute sur ce sujet dans cette entrevue, un autre extrait de l'entrevue qu'on entendait un peu plus tôt, entrevue qui date de 1985. J'entends certaines femmes être prêtes à sacrifier leur maternité parce qu'elles veulent une promotion, parce qu'elles veulent d'abord établir leur vie professionnelle et qu'elles s'y consacrent, je crains qu'elles ne perdent le meilleur de la vie et qu'elles ne disent, vous savez, j'étais très frappée lorsque Simone de Beauvoir, à la fin de ses mémoires, dise « j'ai été flouée ». Je trouve que c'est le pire que puisse dire une femme à la fin de sa vie ou même simplement à un âge où elle ne peut plus avoir d'enfant, parce que je crois que c'est tout de même la plus grande joie de la vie, et que quand à l'âge que j'ai, on commence à regarder le passé davantage que l'avenir, on s'aperçoit que ce qui reste quand on a des déceptions dans la vie, des difficultés, ce qui arrive dans toutes les vies professionnelles, même si elles vous apportent de très très grandes satisfactions, eh bien ce qui reste tout de même, c'est le foyer, c'est un mari qu'on aime, c'est ce qu'on a vraiment créé. Alors parlez-moi, Sarah Briand, de cette femme, de cette mère, de cette amoureuse, Simone Veil. Cet extrait est extrêmement émouvant, je trouve, parce que Simone Veil se livre assez peu et là, elle parle d'elle et de ce jardin secret. Donc, c'est assez rare et elle en est infiniment touchante. Alors, c'est vrai que ce jardin secret, c'est ce qu'elle a et c'est son plus grand bonheur. C'est-à-dire que cette famille, comme on le disait tout à l'heure, qu'elle s'est construite après le retour des camps où elle avait perdu justement toute sa famille, c'est tout ce qui lui reste. Et elle sait bien qu'effectivement, le pouvoir, c'est pas quelque chose qui la fascine ni lui plaît. Voilà, donc il lui reste cette famille qui est finalement la plus belle chose qui lui soit arrivée et qu'elle a vraiment construite. Mmh. Alors, sa famille, elle la reçoit toutes les semaines, en fait, depuis des années, depuis presque 50 ans, tous les week-ends, le samedi ou le dimanche, elle aime faire ce déjeuner familial donc, avec eux. C'est une sorte de rituel, en fait, et elle se retire ensuite à la fin du repas, à la fin du déjeuner, dans sa chambre où elle reçoit souvent ses petits-enfants. Mmh. Les uns après les autres, c'est un petit peu un boudoir, un moment important. On ne rentre pas comme ça dans sa chambre, il faut évidemment y être invité. Et c'est le moment où on voit Simone Veil se détacher les cheveux, où elle est complètement différente de l'image qu'elle donne publiquement. Mmh. Moi, dans ce livre, c'est ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est-à-dire que c'est une biographie avec en toile de fond tout son parcours politique. Mais ce qui m'intéressait, c'était de dévoiler un petit peu cette femme, ouais, cette mère de famille, cette grande amoureuse. C'est vrai qu'elle a son mari Antoine est décédé en 2013, mais elle a vécu une histoire d'amour de plus de 67 ans avec lui. Il était toujours dans son ombre. Avant de prendre une décision, elle lui en parlait très souvent, il a été son conseiller. Voilà, donc c'était un couple absolument admirable. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter en fait de l'image politique ou du personnage politique qu'elle a voulu bien donner. Elle est beaucoup plus complexe que cela et beaucoup plus attachante que cela. Et c'est comprendre, au fond, on boucle la boucle, c'est comprendre que cette intimité, c'est le rempart, c'est cette réparation face aux disparitions, c'est une manière de combler ce manque. Tout est cohérent là-dedans. Sarah Briand, journaliste, documentariste, auteur du livre Simone, éternelle rebelle, qui est publié chez Fayard. Merci infiniment d'avoir fait avec nous. Merci à vous pour cette invitation. Merci. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Mathieu Beauchamp à la réalisation, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Caroline Deribisseau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique Michel Saint-Pierre. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur les sites Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.